Ok. Yeah. Il sait que c'est l'enfoiré qui a le flingue qui distribue les rôles. Hey. Écoute. Yeah. Hey. Ils disent le rap est mort, mais le cadavre bouge encore. Master record. Ouais, si les portes sont fermées, on use la force pour baiser les chats. Force est dans le chat. À une époque j'avais perdu du poil de la bête. Là j'ai la peau de l'ours, maintenant tu sais qu'on peut plus me la mettre. Si je dois tomber, oh j'ai plus peur du vide comme un baraka. Après mon beat, maintenant je sais que je suis mortel comme Lara. Dans le gouffre, ça sent le soufre, mais j'efface ma peur même si la souffre. T'inquiète, j'aurai le souffle dévastateur et confiance. Ici y'a pas de farine dans la cam, et si je reviens en boitant, c'est qu'il y a une grosse lame dans ma canne, yeah. Si les chats sont dangereux, car elle fait comme des tigres, trop de sang dans le jeu, les nerfs sont affamés comme des ogres. Ouais c'est moi, l'assassin né le 29 décembre avec un Glock dans le froc, que les jaloux veulent descendre. Faut dire aux assises que mon microphone massacre, que si Paris c'est la jungle, moi je ferai sauter les macaques. Eh, hey, avant de disparaître comme ce bon vieux loup-garou, je laisserai l'empreinte de mes grosses canines comme un loup-garou. Danger, le DOL est pour ça dans ton poste, on posait des mines. Laisse le bête, le gros mousson. Danger, attaque à arme blanche, chier nos trois fois 16 rimes sur ville. C'est le bordel, glanque les marmots. Danger, le DOL est pour ça dans ton poste, on posait des mines. Tu sais que c'est l'enfoiré qui a le flingue qui distribue les roues. Sans le bouclier, t'arrache ton gun, envers ses assassins. J'ai la rime dopée, grave ropée, y'a pas d'arme de paix autour. Rien qu'une flopée de vautours qui attendent mon cadavre, j'ai chopé. Mike à la gorge, crash, couplé, sale groupé. Seuls ils savent s'en tromper. C'est one shot que je barre ma furie. Sans jamais stopper en live du show show l'écurie. C'est get star trop chaud j'urine. Le son je vais l'estropier. Une tuerie de la carotte OP. Bouillant comme nos shows. Grave comme on est pompé. Un message au chiot. Au destin salopé. Grave équipé. Profond comme Magic Jibé. Mon plafond c'est ton sol. Les dés sont pipés. J'appole les putes VIP. Lutte chat sur prompteur grippé. Flingue mué. Y'a trop de morts au compteur. J'ai tué dans ce bise. Laisse une putain d'ardoise. Ils ont le val d'oise dans le collimateur. Borsalino. C'est le bordel, glanque les marmots. Danger, le DOL est pour ça dans ton poste, on posait des mines. Laisse le bête, le gros mousson. Danger, attaque à arme blanche, chier nos trois fois 16 rimes sur ville. C'est le bordel, glanque les marmots. Danger, le DOL est pour ça dans ton poste, on posait des mines. Tu sais que c'est l'enfoiré qui a le flingue qui distribue les roues. Sans le bouclier, t'arrache ton gun envers ses assassins. Attention, petit, y'a des mines. Vas-y, fous le camp de la gotcha. Piéger le terrain d'ici jusqu'en Ouganda. Eh hey, galope, type, j'baisse trop, laisse les salopes. Flip pour détourner, j'suis là avec mon cutter dans le cockpit. Brillant dans mes freestyle, bandant comme une mistyle. Le rap, une paire de fesses que j'baisserai en Doogie style. Le DON, Borsa, Sulis pour un tir groupé. C'est la crise, t'inquiète, les généraux sont regroupés. Ils sont des tricards et des misérables. Les smicards, ceux qu'on incarcère, les libérables. Apprenti Scarface, si mes rap blessent. Et que j'ai le swing sur le ring, fesse mes sparring partners, j'dérape. Fonce dans les buildings à vif. On a les nerfs, c'est du ball trap kiff. Mais jamais une vénère, non si Borsalino. Une voix, une détonation. J'avoue, resserre les taux. Tu reconnais l'intonation. 2-0-0. C'est le bordel, glanque les marmots. Danger, le DOL est Borsa dans ton poste. On posait des mines. Laisse le bête, le chromosome. Danger, attaque à arme blanche. Chier nos 3 fois 16 rimes sur une. C'est le bordel, glanque les marmots. Danger, le DOL est Borsa dans ton poste. On posait des mines. Tu sais que c'est l'enfoiré qui a le flingue qui distribue les rôles. Sans le bouclier, t'arrache ton gun envers ses assassins.